Yes, ça y est, mon gars, ça vient du 7-8. Lord Diamond, Strub Daddy, K.O. Kane, Mota, Favela, Yassa, Reske. Ce son du 7-8, t'as saisi. Original soul, la revient de ça. Les comètes de Demi Barrio, escucha bien. Ok. Du lourd sur la version. Tes sourds, y'a de la pression. Favela, Lord Diamond, Strub Daddy, K.O. Kane. Bon, dans les sons, les tout le monde pète un clap, ça pète et ça claque. Mais pour les gros sons, tu sais qu'on a la jeune. Check la vibe, viens nous voir au son de système. Yo, tu vas voir comment ça se passe, manet. Original style, feeling get you there. Jamamo, ta favela, coquin strum, t'as brûlé la place, manet. Tu vas dire de ces types, quel style d'intrus qu'il maîtrise, pire qu'à l'escrime pointu. Gâchette facile, pire qu'une messerine pointure. Sachet de crash deal pour mes 7-8 jointures. Toujours sur les bails, mon rap part la coup de ceinture. Touchouse pour les mailles, moral pas quand le blues sature. J'trouve que la paix quand se roule verte oppressante. L'envie de mettre dans le trou, c'est un strunec pressant. Donnez-moi le mic et donnez-moi de la bonne basse. Partons sur des bonnes bases. Texte efficace, des rimes qui tabassent. Les MC tout naze et toute leur vieille face. Reviens pour dégainer sur des flots d'occasion. T'as beau travailler, mais quand tu poses, faut qu'on se casse. Loin d'être sans sas, ton vieux flow m'agace. Ça tourne en rond et puis très vite ça me lasse. Donnez-moi le 7, donnez-moi le 8, donnez-moi le mic, donnez-moi de la bonne grâce. Me place pour mes soldats, j'lâche une grosse dédicace. Ouais. Dans mon 7-8, y'a pas que l'instru qu'on casse. Donnez-moi le 7, donnez-moi le 8, donnez-moi le 7-8. Dans le mic, j'dédicace tous les crocs des Yvelines. Pour toutes les teams, ça fait rap, papa, papa, papa. Donnez-moi le 7, donnez-moi le 8, donnez-moi le 7-8, 7-8. Dans le mic, j'dédicace tous les crocs des Yvelines. Pour toutes les teams, ça fait rap, papa, papa, papa. Directamente de mi barrio, escucha bien. Ok. Du lourd sur la version, t'es sourd, y'a de la pression. Ça fait la lente, j'ai montré Baddy Cocaine. Bon, dans les sons, les tout le monde pète un clap, ça pète et ça claque. Mais pour les gros sons, tu sais qu'on a la jeune. Check la vibe, viens nous voir au son de système. Yo, tu vas voir comment ça se passe, manet. Original style, feeling get you there. Jamamo, ta favela, coquin strum, t'as brûlé la place, manet. C'est terminé, mon 78 vient prendre le contrôle. Terminé, on a cette vibe qui vient des halls. On leur dit brrr, ciao, bye bye. Bambo, clap, pussy, wall, die. Encore un sol, mais sur la paille, c'est une des fourrailles. J'ai ton yacht militaire solitaire, ma foi solidaire. Guerrière guérie, tant au vie, tant au péril. Ouvre la cabine, mais le rythme, on l'explose comme dans Pérignon. Yao, laisse-nous t'expliquer de quoi il est question. Arrête de voir ta vie, en 35 mm la vie, c'est pas un peu clear. Avec des strass et des paillettes, tu m'as toujours dit. Je veux devenir ce que j'aurais dû être. Tu veux de la monnaie, une passe-paix, une putain de corvée. Arrête de me dire ce que je dois faire, mec, je suis pas allé pour te plaire. Je m'en bats les couilles de ce que tu penses de moi, je suis révolutionnaire. J'avance seul, tout seul à la lueur des lampadaires. Homme de l'ombre, moi ta favela, rasta et pas gangster. Amène des demi barrio, escucha bien. Ok. Du lourd sur la version, t'es sourd, y'a de la pression. Ta favela, Lord Diamond, Strub Daddy, cocaine. Bon, dans les sons, les tout le monde pète un clap, ça pète et ça claque. Mais pour les gros sons, tu sais qu'on a la jeune. Check la vibe, viens nous voir au son de système. Yo, tu vas voir comment ça se passe, manet. Original style, feeling get you there. Jamamo, ta favela, coquette strum, t'as brûlé la place, manet. Love diamond, love diamond.